نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous venons directement de les sujets, chers frères et sœurs, parmi les actions qui pouvaient vivre de nos jours, qui une personne qui dans son époque, sa bonne action-là, ne pas dire qui guide, ne pas dire qui rend, mais pas qui existe même. Quand nous avons une personne pareille causée, après 100 ans, 200 ans qui nous trouve, après 1000 ans, qui ne trouve sa bonne action-là réalisée, nous avons trouvé que vraiment c'était parmi les bonnes actions, parmi les bonnes paroles qui amènent la conviction, c'était un prophète. C'était un prophète. Comme ça même dans son époque, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec ce bon compagnon, comme on a fait à la guerre, il dit à ce c'est un habitant de l'Empire. Get un pile, c'est un habitant de l'Empire. Voilà, derrière, sallallahu, il dit à le djihad, le prophète est tranquille. Allez, de la guerre, retournez. Là-dedans, un sahaba venait dire, Ya Rasulallah, un pile, il mourut au champ de bataille. Mais dire qu'il mourut au champ de bataille, qui était? Il y a un shahid. Mais avant, il y a allé, peut-être, il y a dit, nous, il y a habité en enfer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, reste tranquille. Ce n'est qu'après qu'un kitan venait dire, Ya Rasulallah, mon prouvé le champ de bataille. Il fait la guerre. L'ennemi vient t'appeler, il est blessé. Il est souffrant. Il n'est pas capable de finir, il vient se savoir contre lui-même, il est pitié. Ce n'est qu'après qu'un sahaba me dise ça. Et alors, souvent, il est souffrant, il ne fait qu'à finir. Il vient se savoir contre lui-même, il est piqué. En décolline, il est suicidé. Et de tous les croyants, il y a un chahir, un sahaba de vous dire, c'est un prophète de l'autre. C'est un prophète seulement. Pour nous comprendre, chers frères et sœurs, c'est parmi les différences qui nous arrivent à comprendre dans l'époque, dans même l'époque. Bana fait vivre sa prophète-là devant eux, comme il y a quelque chose de l'infini des eux, mais là, il y a une petite chose qui appelle des convictions. Parfois, nous ne pouvons pas rester comprendre. Nous, on peut réfléchir, mais comment ça peut arriver? Mais il suffit qu'il y ait un comme un sahaba, comme Jésus, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui fait ça, je l'accepte. À l'exemple d'Abu Bakr, radiallahu anhu. À l'exemple d'Abu Bakr, radiallahu anhu. Chers frères et sœurs, une personne qui a lutté dans sa conviction-là, ce n'est pas un manquement de son iman, parce qu'un croyant, en tant qu'un insan, ça qui se ligeait et trouvait qu'il y pouvait une plus conviction. C'est pour ça qu'on nous dit dans Surah Takathur, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a même différence entre ilmul yaqin avec ilmul yaqin. Ilmul yaqin, thumma latara'unnaha, ilmul yaqin. Ensuite, vous troublez avec l'idée de conviction. Juste avant ça, Allah subhanahu wa ta'ala cause ilmul yaqin. Ilm veut dire connaissance. Une connaissance de certitude. En deux mots, qui s'en a parmi nous, pas connaît un jour nous pour mort. Qui s'en a parmi nous, pas connaît Djanna exister. Qui s'en a parmi nous, pas connaît l'enfer exister. Nous tout connaissons. Hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand débute le mimba, il décrit l'enfer avec ce bon compagnon, ben n'a même dit, personne parmi nous pas bouger. Comment dire, un oiseau est capable de nous poser nous la paix. Comment dire, un oiseau capable de venir poser nous la paix, personne pas bouger. Mais seulement, ça même dans le Sahaba, quand j'étais dans la case, je pliais tout. Je retourne vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai dit, Ya Rasulallah, certainement nous sentons-nous un peu et une hypocrisie dans nous. Quand nous avec toi, te concernant l'enfer, nous iman monter. Mais quand nous rentrons la case, nous côtoyons une bonne famille, nous oublions tout. Nous oublions tout. Oui, chers frères et sœurs, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pose avec ce bon sahaba, c'est pour ça qu'il dit, si tu trouves ça qui m'a trouvé, je suis pour rétigite, je suis pour plomb, beaucoup. Il y a une différence là. L'une cause avec je, concernant l'enfer. Vana, tu me comprends, oui, non. Je ne comprends, mais c'est moi quand je suis dans la case oubliée. Je oubliais lui. Mais après, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Jésus, pas que tu connes, mais que tu trouves. Parce qu'une fois qu'il nous trouve une petite chose, il fait l'effet l'eau. Quand nous guettons Ibrahim alayhi sallam, dans Sourate al-Baqarah, quand il dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta. Et quand Ibrahim alayhi sallam dit, oh mon Rabb, montre-moi comment tu fais avant, ben mourir d'une vivant. Ben mourir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, awalam tu'min, oh Ibrahim, mais si tu ne pas croire, il dit, ben là, walakin, liyatumahina qalbi, laisse-moi les gens gagner tranquillité. Or donc, un dimon quand il fait retrouve une petite chose, ce n'est pas un manquement de ce iman, mais c'est pour lui gagner tranquillité de ce liquide. Une tranquillité de ce liquide qui lui fait rôder. Mais seulement, est-ce qu'Ibrahim alayhi salam a une conviction là-dedans? Il y a une conviction là-dedans. Une connaissance de certitude, c'est quand un quelqu'un de confiance, une genuine petite chose, peut dire à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une genuine ça, doit accepter lui. Ça, c'est la connaissance. Ensuite, vient Aïnul Yakin, l'Igé. Quand l'Igé trouve une petite chose, chers frères et sœurs, ça devine différent. Chers frères et sœurs, pour lui, une petite chose que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire de son époque. Mais dire de son époque, quand il peut dire ça, c'est juste Aïnul Yakin. Parce que dans l'époque-là, l'action n'a pas compris. Là. Ce n'est qu'après 1000 ans. Mais dire qu'arrive nous l'époque, à ce moment-là, nous commençons à témoigner. Nous commençons à trouver Aïnul Yakin. Nous trouvons. Ça fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dire à cette époque-là. Chaud, fort. Chaud veut dire qu'on dit chaud. Chaud, c'est ban qui veut dire faire respecter ban condition. Quand nous ramassons ensemble de langage arabe, c'est ça même qui de nos jours nous traduit par la police. En d'autres mots, ban qui fait respecter la loi. Ban qui fait respecter la loi. Ça, les problèmes qui veulent deuxième. Dans son époque, qui est un amir, c'est lui-même. Ensuite, il envoie ban chef à la tête, ban pour appliquer la loi devant les autres places de ban, les autres endroits. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas fait cause de ban qui est à la tête. Non. Il fait cause de ban qui vient en bas d'eux, qui est envoyé pour faire eux bon. Faire ban à respecter ce qui devait dire. Au fur et à mesure des jours en jour, c'est ça même qui vient ban chourta. Ban chourta, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est ça qui nous appelle la police. Dans le langage arabe, nous traduisons pour la police. Nous, quand on pose question, qui la police vient faire avec Dieu priamment? Qui la police vient faire avec Dieu priamment? Quand nous guide dans une époque, quand on tient la loi d'une, mais déjà la police là. Parce qu'il y en a dit comme ça, mais il y en a qui nous disait, mais Dieu fait respecter la loi Allah, ça prophète là dire, pour arriver à l'époque, dans tout une dimanche qui peut y en a. Mais bien dans tout une rencontre qui peut y en a. Qu'est-ce que moi on peut appeler rencontre là où? Si pas une rencontre dans ma vie, en Dieu, dans ma vie, c'est grave à faire. Si vous pouvez faire comité ma vie, si vous venez appeler eux, ou soit en Dieu, ou bien dans n'importe qui place, ça prophète là dire, pour établir beaucoup la police qui va nous dire qui concerne. De ça l'époque là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a une parole pareille. Quand vous avez un petit dimanche, une place que vous avez besoin, pour viser envoyer Bandimoun pour faire respecter la loi, condition, ça que je fais faire là, bon, ça que je fais causer là, je n'ai pas gagné le droit de se télé. Quantité qui de quoi envoyer, les pouplis, beaucoup qui concerne avec ça. Si nous mettons un point, le marque le monde, un point, un nil, chers frères, est-ce qu'il nous peut témoigner, oui, non? Est-ce qu'il nous peut témoigner, oui, non? Combien nous trouvons comme ça? Combien nous trouvons? Prenez pour nous avant. Veut dire obtenir quelque chose d'audible, une petite chose, un comité, etc., etc., policier vis-à-vis de nous. Nous allons à la police, nous allons à nous. Nous réalisons, pécose pour Madrid, pécose pour la loi dit, vis-à-vis de la police qui fait, à cause de porting, vous êtes en train de déraper. Les gens qui dérapent là, les gens qui vous dérapent, c'est une cause de la loi dit, c'est une cause qui se concerne l'islam, mais qui nous disait, on va être quoi à leur dire. Chers frères et sœurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'était parmi ban, prévention que les filles nous connaissent. Quand on commence à vivre dans cette époque-là, à chaque instant, si de vous trouvez, il y a une rencontre, pour bien être dans la police alentour des lits, pour bien être dans la police. Et quand on compte le nombre des policiers, et que compte concernant les gens qui concernaient, je vous trouve que dans la police-là, je plie beaucoup. Pareil comme ça, même, chers frères et sœurs. Et là, ils vont nous faire ressortir. C'est pour un de mal malentendu qui finit à se glisser dans nos sociétés. Malgré que oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une djellie comme ça. Ou capable de trouver l'imam, venir, il causer après les chars, il monte le mimbar, il écrit le pamphlet, oui. Telle façon, il comme ça, le prophète il dit ça. Vraiment, le prophète il dit ça. Hadith il a. Mais seulement, nous faisons connaître comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ça. Avant nous venir avec des jeunes, comme Ibn Sina qui est avec nous, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut faire football le jour de Rid. Il descend au Mimba, quand il finit ses premiers footballs, il y a la laurier puis il y a le salut de madame. Nous arrêtons la même. Basons nos actions qui habitent ces là, une divergence les deux. Parce que le Mimba, comme le football, il sait. Il sait. Il descend, il y a les, il y a cause avec Banna, à laurier. Et là, quand il m'a dit avant, je disais, mais ça, c'est déjà un coup de bas à l'os. Parce que si il cause déjà un coup de bas à l'os, il m'a dit, madame, alors, il va vous tomber. Et là, bien non, un seul coup de bas pour lui, déjà là, il y a la cause avec la madame. C'est pour ça qu'il ne vous trouve, dans certaines mazites, il n'a fait des coups de bas, il n'a fait un seul coup de bas. Les deux, les anogétés, ils ont une compréhension qui va nous amener depuis sa action-là. Ça, c'est un problème, ça. Si un mardi fait des coups de bas jouer, ou bien un mardi fait un seul chef de frère, jamais il y a un problème. Parce qu'il base leur compréhension, l'action du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et pas une seule fois l'infirme. Parce que s'il cause déjà un coup de bas au mimba, sûr qu'il ne va pas vous tendre, pas vous tendre à l'aurier. Ça, c'était un masallah. Dans parenthèse, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à l'aurier, parmi les rappels qui a mené, d'être ce deuxième coup de bas, les causes 10 concernant Ban Madame. Les causes 10 concernant Ban Madame. Là aussi, pareil, chers frères et sœurs, Ban Savant qui dit, Imam fait 10 coups de bas aujourd'hui, je dis à ce deuxième coup de bas, bien le Kisana. C'est le Ban Madame. Juste le Ban Madame. Mais tellement, quand nous guettons l'action, lorsqu'on s'en va mort, on s'en vient à la laurier. Dites qu'à cause pour Ban Monsieur, il n'y a pas Ban Madame. C'est pour ça que les causes 10 le Ban Madame. Toujours, divergence de ville de quoi, l'invine, l'action de prophète final à l'orient, il cause le ban madame, donc le jeune coup de bas, c'est cause le madame. Tout cela vient de qui était, leur compréhension de ban savant. Jamais qu'il y en a qui traduit, qui dit, j'ai obligé, il y a un seul coup de bas, et qui fait des. Mais là, non, il dit ça. Donc la porte là, ouvert lui, non. Si un imam, il fait un coup de bas, si un imam, il fait des coups de bas, à celle qui déjà un coup de bas là, il joue les causes concernant. Ban action, ban madame. Si le deuxième coup de balle, non, j'ai envie de continuer ce premier coup de balle. Imam Lali choisirait que de couper là-dedans. Être sûr qu'il fait aucun hadith directement qui peut dire il commet la main de la haine ou bien des, ou bien celui qui a dit qu'il va utiliser qu'il est besoin, qu'il est besoin traité. Mais lui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit des années, il finit à la logière. Quand lui, ban rappel qu'il dit amène avec ban là, il dit à ban madame là, quand ça se d'accord, donne beaucoup ça d'accord. Certainement, vous pouvez trouver, ban madame, plus beaucoup habitant l'enfer. C'est ça, nous point. C'est ça, nous point. Comment nous pouvons dire, on vous trouve beaucoup capable de dire le mot la carmer, la moindre problème, prophète là qui vient dire, ça plus beaucoup madame pour dans l'enfer. Dis moi, vous pouvez même bien dire. Mais c'est moi que vous êtes connu de toute façon pour vous faire dire ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chers frères, c'est un bien. L'Indie est certainement mon fin troupli beaucoup, madame, habitante l'enfer. À aucun moment, l'Indie est plus beaucoup, madame, qui est là? Qui est là, imam. Ça vous dire comment c'est ça, moi? ça vous apporte mon affaire. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de Faradis, il dit, l'idine troublie beaucoup madame habitant l'enfer. Je prêche à aucun moment, l'idine troublie beaucoup madame ban kina iman, pour une bonne croyance dans l'enfer. Ça me dit ça. En d'autres mots, quand il peut dire plus beaucoup madame pour une dans l'enfer, à qui il peut référer? À celle qui n'a iman et même celle qui peut n'a iman. L'hypécose, le nombre des dames dans l'enfer, en général, qui pire? Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, pour arriver à l'époque, que pour chaque niché de proportion, un niché pour une est égal à 50 madames, pour un niché. Veut-dire qu'il y a un niché, un garçon, une prend naissance, n'est bien à soi, en même temps, il y a 50 chiffres qui prennent naissance là. Ou dans la case où il y a un garçon, ou 10 enfants, ou 10 garçons, ou 10 filles, ou garçons, etc., qu'on est dans les mondes là, il y a 50 chiffres qui prennent naissance là. À l'époque là, bien. Mais, avant de continuer, qu'on est qui donne la case même. Qu'on est qui donne la case. Essayez de faire un coup de bande dernier temps là. Quand il y a un nouveau né, mais qui plie beaucoup, qui ne vient pas. Et si il y a un coup de temps là, qui ne plie beaucoup. Si il y a une vie dans son, ça veut dire qu'il a dit ça, peu. Si il y a une vie qui fait ici, pas ça qui prouve à dire ça, ça non. Je dis bien ça non. Faudrait pas action qui passe dans la case qui vient prouver un hadith. Hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il résoudrait tous les temps. Hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chef frère, il résoudrait. Moi ne comprends pas, moi ne comprends pas, il dit dans mon lacard, il ne pense pas dans la case, parole le prophète reste, résoudrait. Mais sinon, si moi, on laisse moi nous dire, il n'y a rien où il y a fini. Ça lisait de conviction là, moi, essayez de dire. Des dames d'enseignement, ben, alentour de moi, qui ne se gagne plus beaucoup, dans son identifié. Ensuite, quand il fait 10 pour les musulmans, non, les en général, même non musulmans. Parce qu'il a dit ça, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour nous dire, chef frère, il est une technique ouverte. Il n'y a pas qu'une attaque croyance du tout avec sa madame. Oh donc, si nous prend un niché pour être égal à 50 madame, dans sa 50 madame là, combien qu'il y en a iman là-dedans? Donc, on arrive jour qu'il y en a banna pour rentrer dans l'enfer. Combien madame nous pensez pour être en proportion avec ban niché? C'est pas ban madame là-même qui plie beaucoup? Je sais pas plus beaucoup. C'est bonne madame qui vous vient plus beaucoup parce qu'il n'a aucun moment pas de référer avec bonne madame qui est là iman. Demain, même bonne madame qui est là iman, tout rentre dans Jannah. Il restait pour n'appeler beaucoup madame dans l'enfer. Il restait pour n'appeler beaucoup madame dans l'enfer parce que le nombre de madame même qui vous plie beaucoup l'eau la terre. Ça, c'est un des bonnes mal compréhension, chers frères et sœurs, c'est quoi? C'est que quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, ban madame pour qui beaucoup habitant l'enfer, à aucun moment il n'y a pas une attache iman avec sa ban madame là. Il dit une maîtrise générale. Qui pire? Parce qui? Il fait dire, mimbe il n'y a gay de sara. Parmi ban si qui vous fait nous connaître jour qui yama pour arriver, pour chaque niché qui peut être dans l'eau la terre. Veut dire pour chaque nouveau né, un garçon qui est là, pour être égal à 50 ici, 50 madame qui peut être là. Au donc, les anouvés, l'autre population qui peut arriver, qui dit soit dans mon lacage, dans mon endroit, etc., qui m'entend pour arriver plus beaucoup, excepté pour une ban madame, plus beaucoup. Ça, c'est déjà informé, ban si, chers frères et sœurs, un, nous finissons qu'est-ce qui ressource, sallallahu alayhi wa sallam, finissons nous, concernant, ban action qu'on prend en place pour une ban rencontre, alentour pour une plus beaucoup, ban qui met l'autre. Alentour pour une appli beaucoup, ban qui met l'autre, ban qui fait comprendre, ban qui, etc. Déjà, c'est hadith que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui peut arriver à une époque pour une appli chaque miché, 50 madame. Et troisième et dernier pour une action qui est avec nous, chers frères et sœurs, pour aujourd'hui, avant de venir avec lui, nous explique un mot qui est alhamdoulilah depuis le premier de le passé, mais juste comme un rappel, c'est ça qu'on appelle un des youths. Un des youths, c'est qui ça n'a? Dal, yé, wow, c'est. Un des youths, c'est un niché. Un titre qui ressemble, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous donne un niché. Qui, au fait, avec sa niché-là, il y a quatre madames qui attachées. Avec sa niché-là, il y a quatre madames qui attachées. Qui ça, quatre madames-là? Un, son maman. Des jeunes. Ce sœur, troisième, ce madame, quatrième souscrit. En ce moment, à la tête de Jelaouli, deuxième souscrit, au même niveau avec lui, frère, troisième, sous madame, et le fait qu'il était marié, quatrième, vingt-sept, souscrit. S'il y en a tous les quatre, ou bien trois là-dedans, ou bien deux là-dedans, c'est maintenant sous son responsabilité. Définitivement, ce madame avec ce tifi, sous son responsabilité, demain il possible ce moment, pas sous son responsabilité, plus encore ce CR fin mourir. Sa Michela, comment il gagne sa petite chère frère, c'est quand un sahaba pose question, Ya Rasulallah, qui ça m'a de you? Qui fait question là invini? Question là invini par Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit trois catégories du monde qui jouent Qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala pas pour guérir Dieu, pas pour causer avec Dieu et pas pour purifier Dieu. Trois catégories du monde qui jouent Qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala pas pour même guérir Dieu, pas pour causer avec Dieu, pas pour purifier Dieu. Pas pour guérir Dieu. Imaginez-nous, jour Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala répète pour guérir du monde. Comment est-ce que vous avez dit? Donc, ça ne veut pas dire que du monde n'a pas pour vous rendre compte. Mais seulement, vous pouvez vous rendre compte pareil, mais quand vous dire cause avec lui, c'est cause avec lui de Rahman, avec pitié. C'est lui qui a un espoir qui vous porte de toi. De cette façon-là, Allah va cause avec lui. Pareil, comme nous, la case, quand nous disons à nos enfants, à partir de ce moi, cause en toi. Mais seulement arrive à nier que tu fais pas ça, bon, ramener tout le monde à la hein? Pourtant, tu as vu que tu vas mettre des gens en cause en moi. Mais il n'a pas nier, moi, je cause avec toi dans le sens qui moi, je montre toi qui, moi, cause de vie, moi, cause de dire, et moi, cause de respecter ça qui me dit. Ça cause ça, moi, je cause en toi. Et troisième, les filles, pas pour purifier lui. Chers frères, c'est fait un dimon, non, ça, la terre, excepté qu'il y a tant, purification des fruits, Allah subhanahu wa ta'ala, pour ce bonne action. Purification qui dit soit pour ce ban péché, pour pardonner, purification qui dit soit pour ce ban bon action, basant le ban manquement qui est dans la dent. Basant le ban manquement, le ban faiblesse qui est dans la dent. Sa catégorie du monde, là, trois catégories là, Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour purifier les autres, pas pour causer avec les autres, ni pour les autres. La dent, il dit à des youths. Maintenant, on va demander à Rasulallah, c'est un des youths. Rasulallah, alayhi wa sallam, dit, c'est un qui t'aime qui n'a haine. Ou bien les quatre, comme ça va madame là sous son responsabilité, mais tellement l'IPNA, l'IPNA contrôle nos œufs. L'IPNA contrôle nos œufs. L'IPNA dit contrôle nos œufs. Il y a qu'au monsieur dans la cave, il y a qu'au frère, il y a qu'au maman, il y a qu'au papa dans la cave. Mais tellement, chers frères et sœurs, l'IPNA contrôle nos œufs. Qui les autres sortis, qui les autres rentrés, autres l'habillement, qui se fait pire, l'IPACON, non, il n'est pas capable de nommer. Il n'est pas connu et il n'est pas capable de dire, viens non. Pour un moment, oublier. Ça que vous avez nous verrons de penser. Attention à un tel comme ça. Non, pensez-le au mot même avant. Pensez-le au mot même avant. Attention aux situations qui sont comme ça. Mon propre madame, mon titi, mon maman qui peut vivre avec moi, mon sire, qui peut encore m'envoyer libérer dans même la case avec moi, mais seulement. Nom de Dieu, tu veux aussi être avec moi. Je ne suis pas capable de dire non. Je ne suis pas capable de dire non. Dans mon lacage, il rentrait sur le tir, qui lui fait faire, parfois il rentrait 11h, minuit, tout. Je ne suis pas capable de dire non. Ça, catégorie Michela, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chef frère, qui me qualifiait, lui, pas un petit, qui n'appelle lui un, and the youth. C'est là que Ibn Sahaba pose question, Ya Rasulallah, c'est qui ça n'a un de youth? Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne sa explication. Qui fait chef frère, nous commence par sa bout là, le troisième signe qui est avec nous, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, parmi les signes clairement, juste pour nous prendre, attention, ça peut prendre place dans mon lacard, parmi les signes clairement, c'est pour une madame qui faut habiller nu. Pour une madame qui faut habiller nu. Nous arrêtons la même bonne moment. Nous retournons avec sa dimoun qui fait causer là. Sa dimoun qui fait causer là, chers frères et sœurs, dans son époque, les filles Fajr, veut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je fais Fajr dans le premier livre. Quand Fajr finit, un monsieur pas bousé dans ma vie. Un monsieur pas bousé dans ma vie, qui fait les stouban madame dans ma vie, finiront dans eux, la case van qui ne vient pas dans eux. Les autres finiront dans sa case. En d'autres mots, si ça c'est le cas pour nous saluer, il y a maman qui vous fait la lousse. Ou bien il y a maman qui dit, pourtant, mon petit-fils va finir à l'émo des autres. Ça va mourir sur le courant. Il va guetter sur l'année finie à l'aise. Oui, je casse aussi, mais c'est l'année finie à l'aise. Non. Si lui, la source de l'Allah, voit jamais bien rester, en premier, lui-même, il finit, l'infini rester. Sa prophète, qui, quand la loi finit des sangs, finit faire lui connaît qui est n'a qu'à finir adresse avec toi au Muhammad, mais ou alors, il est déjà. Fais ce qu'il y a une séparation. Sa prophète, là, chers frères et sœurs, quand son madame peut décrire événements qui finissent passer concernant lui-même, de ce qu'il appelle le Christophe Isk. Christophe, l'histoire, Isk veut dire mensonge, c'est concernant Aïcha radiallahu anha, c'est quand Banna tu mets l'île, tu quittes l'île au désert, sans qu'ils ne connaissent au fait, je fais ça au Yéli, de ce qu'il y a quatre du monde sur Yéli, etc. Là. Ali n'aime pas ce film descend, lire Aïcha radiallahu anha, film descend depuis là-dedans. Quand il arrivait, Banna, il nous dit, venez, il l'aidait, il prend, il allait. Depuis sa rabiva, sa boucle là, sa boucle là, il n'a des choses. Un, je ne pas connu mille fois, Raïcha, ça va dire Allah, voilà. Ce poids, je ne pas connu. Je ne sens même qu'il était dans un djimoun là-dedans. Quand on dit ça, quatre djimouns, il est là. Je ne pas même senti qu'il était dans un kiken là-dedans, quatre djimouns, il est venu, c'est là. Deuxième, dans sa quatre djimouns qui l'avait là, je ne pas même demander, est-ce qu'il est en je ne vais pas même demander. Je veux dire pour avancer, de vous guetter, c'est pas sa question ne se pose pas. Je ne vais pas même demander, oh Aïcha, est-ce qu'il tout en dents, il arrive là, je vais venir, je prends deux, je vais aller. Ça, madame, c'est cause de ça. C'est cause concernant lui-même. Dans ça, l'époque-là, imaginez-nous, je veux dire concernant eux, je vais l'aimer. Pour nous venir dans une époque, qui ressemble sallallahu alayhi wa sallam des genoux pour arriver à l'effort, que pour arriver, pour une madame, de pour habiller. Habiller veut dire qu'on a habillé aux œufs, qu'on a la toile aux œufs, mais seulement de pour, je pour nu. Ça ne crée compréhension dans le sacrément pour nous. Parce que le sacrément pour nous, une place qui nous travaille, l'aussi mécanique nous était, quand nous étions dans les côtes, etc., nous connaissons qui nous fait dire là. Dans mon propre lacasse, pourtant, il est capable d'un ali vivant. Quand je vais motiver mon madame, mon sœur, mon maman, comment tu es habillé, je vais comprendre qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire moi. Quand je vais me trouver juste la toile le toi. Parce que moi, en tant qu'un petit garçon, quand je trouve ben, les autres habillés comme ça, le chimé, je vais me sauver du comme ça. Quand je trouve les autres qui habillent comme ça, le chimé, je vais me mais ton madame, ce sœur, ce tu fais ici, pareil, ben, n'a pas vous guetter. Je vais dire, ah, il aurait été ce tu fais ici, pas guetter. Ça me dit ça. Comment ça vous concerne? Ah, il m'a dit sur madame Fabrice Régor. Amen. Je n'ai pas connu tout ça, l'accent sur madame, ça, je sais ça. Je consiste que l'habillement comme ça, c'est un habillement qui est attirant. Donc, je préfère, depuis là, faire bien attention. Attention qui demeure va être sous mon responsabilité. Sans compter que ça, c'est un sikhiyama direct. Que le Rasoul sallallahu et Inch'Allah, la semaine, nous commence avec qui? Résultat, pour arriver sur la bonne madame qui habite comme ça là, et vous même habite, mais ça qui est avec nous c'est un. Ça, la façon habillée là, c'est un tir qui le fait qu'il y ait un tir qui me retourne vers moi. Parce qu'une madame l'olater apporte ce papa une mot, il faut bien un petit qui est responsable pour lui. Soit ce papa, soit ce Michel. Soit ce papa, soit ce Michel. Ce papa que la même, nous prenons nos responsabilités en tant qu'un papa. Et Simone Moyer, vous prenez vos responsabilités en tant qu'elle, en tant qu'elle, Michel, chef frère et sœur, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui est qualifié, ça a été papa, frère, ça a été Michel, ça a été garçon, qui au fait, dans la carte de Dieu, ça va être action à prendre place, je ne suis pas capable d'empêcher, excepté qu'il oublie le nom. Je suis en train de réduire à mon écoute, oublie le nom. Mais quelles conséquences qu'il y a mené? Qui conséquences qu'il y a mené? Jour qu'il Allah subhanahu wa ta'ala part de cause avec moi. Qui m'entend à l'os? Qui m'entend? Qui a été grave de sa milliard créature qui est dans la terre là, Allah part de cause avec moi. Il part purifier moi. Et il part même get moi. Les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi sa mancina, quand nous finissons, nous pouvons oublier. de plus en plus. Parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nos jours peut réaliser qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pour nous, parmi Dieu tous avant catégorie, qui je prie à ma, ni pas pour cause, ni pas pour purifier, ni pour guérir cela, afin qu'il je prie à ma, nous fîmes une accroyance dans le signe qui se prophète nous, même Réil Mouliakin, il finit bien de accepter, surtout quand nous pouvons témoigner, Réil Mouliakin, avec nous léger, afin qu'il s'amène plus conviction le nous, qui vraiment, ça joue là, c'est. Et rapprochés. وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.